La nuit n'était pas froide. La nuit n'était pas froide. La tristesse régna. Ni trimestre de creusa, ni de bornée totale. De toute façon, vous ne l'avez pas vu. Pas d'étoile qui brille, et comme moi, diablo, à quel point il était loin. Le problème n'était pas la lumière, le problème était votre mélancolie qui est traversée. Vous, devant la fenêtre, il fait ça, une brise légère couvra votre visage, une brise légère dans l'espoir que les nuages s'ouvriront, que le ciel brillera, que votre mélancolie se rendra. Il aura fallu un nous, il était tous les matins, une faible lumière filtra à travers le ciel couvré. C'est à la lune de Borda, la femme lui avait été bénéfique. Comme pas magie, le ciel s'est ouvert et les étoiles ont scintillé les lieux éclats. La nuit n'était pas froide, la pénombre ne régna pas. La mélancolie avait versé la gare. La grande lune rougit les ténèbres devant votre fenêtre. À ce moment-là, vous avez senti la plus chaude de votre femme de chambre sur votre dos. La mélancolie avait disparu. Maintenant, ton rictus de joie effaça ses lits de tristesse. Le ciel était déjà l'aube. Le soleil s'éleva déjà loin derrière la montagne. Et au pôle possible, la lune déborda toujours. Le fossé était bien arrivé. Jules VI, le cavalier.